Tous, le week-end dernier, le Fuse accueillait Pascal Féos. Nous vous proposons de redécouvrir ce soir son set d'une durée de 2h45. Ensuite, et pour un petit quart d'heure, ce sera Teak West qui reprendra les platines. Bonne écoute. 21, un esprit. We'll be right back.

Radio 21. Back. Orléans.